Gazi, la prod ne t'appartient pas. Villa pour la Ramda, ouais, ouais. Aux gentils ça paye pas, non, non. La vie d'Aloca, ouais, ouais. Trahi par la Honda, non, non. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. J'passe à la pénombre, j'ai mal. Ma sueur sur le bitume, oui je souffre. J'en suis malade et mon cœur a mal. Mais j'oublie pas la mission à maman. J'ai un train de retard. On charbonne et on repart. Champagne à tout va. Moi je fais ma vie d'aloca. Combien ça va coûter? Les voix dans ma tête me font douter. Combien ça va coûter? Les voix dans ma tête me font douter. Fila pour la Ramda, ouais, ouais. Aux gentils ça paye pas, non, non. La vie d'aloca, ouais, ouais. Trahi par la Honda, non, non. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. J'ai la tête dans les vapes, y'a rien de génial. Tout mon argent dans une mallette. Tu ne sais pas à quel point j'ai mal. Tout ça me met dans un mal-être. Je fais un demi-tour ou bien rester là. Perdre de contrôle ou bien rester calme. Finir bicraveur à la Castellane. En psychiatrie et puis finir sous calme. Combien ça va coûter? Les voix dans ma tête me font douter. Combien ça va coûter? Les voix dans ma tête me font douter. Fila pour la Ramda, ouais, ouais. Aux gentils ça paye pas, non, non. La vie d'Aloca, ouais, ouais. Trahi par la Honda, non, non. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Ah ça non, jamais. Oh, oh, oh.